trop de fierté pour avouer. Trop de fierté pour avouer. Les sentiments, il faut pas jouer. Les sentiments, il faut pas jouer. Les sentiments, ils te font douter. Les sentiments, ils te font douter. Arrête de dire qu'ils te dégoûtent. Ah, ma copine, raisonne-toi, arrête tes sottises, tes sottises, tes sottises. Pour parler d'amour, pas besoin de sous-titres. J'te vois, tu soupires, laisse-le partir, je suis là au pire. Bah ouais, quand cœur est brisé, toutes les femmes te disent, c'est l'homme le fautif. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. French kiss. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss. Tu sais pas ce que tu veux toi. Tu le veux sous le même toit. Tu la veux sous le même toit. En amour suffit pas d'y croire. Tu vis dans le doute et l'espoir. Quand t'es seul face à ton miroir, tu te refais l'histoire. Mais tu l'aimes. Tu l'aimes, tu l'aimes. Ah tu l'aimes. Tu l'aimes, tu l'aimes. Je l'aime à la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout. À la folie, un peu, beaucoup, passionnément. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. French kiss.